d'écoute. Don't you?

kiss me once again. And when we're done, just a memory.

Le poste d'écoute. Like a chainsaw tearing through town, always found something going down. The diffusing ran my hell, shouldn't have been dead or in a cell. Is gone, hitting ditches and rolling cars. Another night on a prairie stone. Lucky to breathe, we have to slow things down. Lucky to breathe, we have to slow things down and see another. I called you last night in the hotel. Love. Young James et la pièce Our World. Juste avant, c'était Another Round. Et on a débuté avec On Your Hands, avec leur nouvel album qui s'appelle aussi Young James, donc album éponyme. Les membres sont Brett Young à la basse et la voix, T.C. Young à la voix et la guitare, Jesse Johnstone à la batterie et au banjo, et David James à la voix et la guitare. myspace.com/YoungJamesMusic et leur site web. Ils viennent de Saskatoon en Saskatchewan. C'est de l'indie folk rock. Je vais aller vous renseigner là-dessus. Il y a aussi homequarter.net si jamais vous voulez plus d'informations. Mais passez donc par le site de l'émission au www.unechance.com pour découvrir ce premier album de cette formation Young James. On termine la deuxième heure de l'émission avec une formation francophone que vous connaissez peut-être, Inc, qui est devenue Excubus. Leur album s'appelle Mémoires incubusiennes. On va entendre une pièce de 1974 qui s'appelle Bléatis. Et ensuite, on va plonger en 2008 et on va parler un petit peu de comment ça s'est passé, la transition entre Incubus et Excubus. Tout de suite dans le poste d'écoute. Au 89.fm, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, comme autour d'un feu de camp, là, à écouter de la musique.

criarde au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Surtout après avoir entendu ça.